Chapitre 21e. À 21 heures précises, le capitaine Pérez s'engagea sur le chemin menant à la propriété de Canéparo. Elle avait averti par radio les collègues en planque de façon à n'affoler personne. Elle se foutait pas mal de ce qu'ils pourraient penser. Il avait décidé de s'offrir une tranche de vie libérée des tabous. Elle avait apporté une bouteille de tétingé déposée en offrande dans les bras de son hôte en gage d'alliance. Biagio avait tenu à faire la cuisine lui-même pour montrer son attachement à Michel. Il n'avait prévu que des spaghettis vongole qu'il préparait au dernier moment, accompagnés d'un prosecco bien frais. En entrée, des tomates d'un ami paysan coupées en rondelles parsemées de mozzarella et de basilic rappelaient les couleurs de son pays. Ils prirent l'apéro dans un silence quasi religieux où seuls les regards et les mains parlaient. Pérez était obligé de reconnaître qu'il passait entre eux un courant dans lequel le désir, l'affection et l'empathie s'entremêlaient. Jusqu'au spaghetti vongole, ils parlèrent assez peu, Pérez soutenant le regard de Canéparo qui ne la quittait pas des yeux. Il se nourrissait plus de son image que de ce qu'il avait dans l'assiette. On mit les doigts pour manger et sucer les vongole, ce qui détendit un peu leur rapport. Ni l'un ni l'autre n'aborda la question de l'enquête en cours. Pérez en savait maintenant suffisamment long sur le passé de Canéparo et son absence de responsabilité dans le meurtre d'Anzilutti, de son vrai nom Carmine Possemato. Quant à Canéparo, il comptait bien avouer sa peur et sa détresse au capitaine, mais pour l'instant, il faisait bonne figure. Au champagne, il lui prit la main et il la garda dans la sienne, sans qu'elle refuse ce geste tendre. Puis ils s'assirent dans le canapé et Michel demanda l'autorisation d'allumer une cigarette. Canéparo refusa celle qu'elle lui tendait. « C'est le seul vice que je n'ai pas, » dit-il en souriant. Alors que Michel fumait à petite goulée, il se rapprocha d'elle et lui parla d'une voix presque inaudible. « Michel, je peux vous tutoyer, sans vous manquer de respect. »« Bien sûr, » dit-elle en regardant le plafond, « ne te gêne pas. Il faut que je t'avoue quelque chose. » Soit il me dit qu'il m'aime, soit il balance toute la vérité, pensa Pérez. « Je préférerais qu'il réserve la déclaration d'amour pour plus tard. Je ne vais pas m'allonger tout de suite, quand même. J'ai peur, Michel. Terriblement peur. Tu as fait des conneries dans ta jeunesse, et tu as peur de les payer trop cher. Monsieur Angelo Rapuano, » lança-t-elle dans une volute de fumée. « Ah, » dit-il tristement, « tu sais tout. » « À peu près, oui, je crois. Qu'est-ce que tu sais exactement ?»« Ben, pour faire court, vous avez tué un vieux pour lui piquer son fric. » Vous avez pris 10 ans et vous vous êtes fait la malle pour refaire votre vie en France avec de faux papiers. Au pied du mur de la prison, vous avez oublié votre pote Pellicini qui s'est ratatiné une guibole. Et qu'est-ce que tu en penses? Mais que veux-tu que j'en pense? Si c'est pour la mort du vieil avare, il y a prescription. Tu ne risques plus rien. Maintenant, si c'est pour autre chose, c'est différent. Si c'est Pellicini que tu crains, tu as raison d'avoir peur, Angelo. Mais c'est un fou, Michel, tu comprends ça? Je me demande encore pourquoi on avait accepté de faire la belle avec lui. Je te jure que si on a changé d'identité, c'était autant pour faire la police que pour nous faire oublier de lui. Eh ben, c'est raté, Angelo. Au fait, comment faut-il que je t'appelle maintenant que je sais? Continue à m'appeler Biagio. On ne va pas remonter sans cesse dans le passé. Ta maison est surveillée 24 heures sur 24. Tu n'es pas le seul à serrer les fesses, mon pauvre. Pronzati n'emmène pas large non plus. Vous êtes dans la même galère. Il faut vous entraider. Veillez l'un sur l'autre. Ouvrez les yeux et les oreilles. D'accord, mais si Pellicini me flingue comme Anzilutti, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne pense pas qu'il s'y prenne de cette façon. Il n'a plus l'arme qu'il faut et comment veux-tu qu'il s'en procure une maintenant? Il ne va tout de même pas braquer une armurerie. Ta villa est sous surveillance permanente. Oui, bof. Tu sais que ton copain restaurateur était tué avec ton Beretta. Le labo est formel. « Oh, Madonna, mais c'est pas possible. Eh oui. Voilà à quoi servit ton arme. Maintenant, on le sait. Mais je n'ai rien fait, Michel, tu le sais bien. Je le sais, Biagio. Tranquillise-toi. En principe, nous avons identifié l'assassin comme étant Pellicini de façon certaine. J'ai du mal à croire que c'est Pronzati qui leur a remis les armes. Pourtant, je ne vois pas d'autre explication. C'est évident, Biagio, c'est lui qui a aidé Pellicini d'une façon ou d'une autre. Maintenant, je suis incapable de te dire pourquoi il a fait ça. À mon avis, Pellicini doit avoir barre sur lui, pour une raison quelconque. Il ne t'a jamais rien raconté sur son passé ? Si, il m'a bien dit qu'il avait eu des problèmes avec la police en Italie et en France pour des affaires de contrebande ou de drogue. Mais il ne m'a jamais parlé de Pellicini. Tu penses ? J'aurais percuté tout de suite. Il t'a dit qu'il avait été en prison en Italie ? Oui. Nous allons relancer nos collègues italiens à son sujet. En attendant, méfie-toi tout de même de lui. Il a une trouille bleue de se faire dégrouper parce que lui, dans le rôle du témoin, il pèse plutôt lourd, tu vois. C'est quoi, dégrouper ? Tuer, assassiner. Un silence de plusieurs minutes s'installa. Pérez soufflait ses bolutes, la bouche en cœur, se resservant du tétingé. Canéparo continua à la dévorer des yeux, observant avec minutie chacun de ses gestes. En temps normal, Pérez aurait été mal à l'aise de se trouver en pareille situation, mais ce soir, et elle savait pertinemment que ce n'était pas l'effet de l'alcool, elle n'éprouvait aucune gêne, mais au contraire, une légère surexcitation au niveau du bas du dos. Et elle réalisa qu'elle aurait été encore plus à l'aise si elle avait été complètement nue. Le proverbe italien « qui va piano va sano » lui revint à l'esprit. Foin de l'impatience de la jeunesse, savourons le plaisir à petites gorgées, se dit-elle. « Tu restes ?» finit par lui murmurer Biagio. Elle lui fit son plus beau sourire et l'embrassa sur les lèvres subrepticement. « Non, ce soir je ne peux pas, mais demain soir, promis, je rappliquai. Tu as intérêt à assurer. » Elle se leva, s'étira, ils s'embrassèrent amoureusement et il alla lui chercher sa veste et son sac. « Je préviens les collègues que je m'en vais. Fais de beaux rêves. » Le lendemain matin, de très bonne heure, l'équipe fit irruption dans la ferme de Martha sous la direction de Volpi. Tous étaient convenablement armés, sanglés dans des gilets pare-balles. Martha poussa les hauts cris. « Mais qu'est-ce que vous venez foutre chez moi, bande de chiens ? Cassez-vous de là, porca madonna ! » leur cria-t-elle en brandissant un balai. Apparemment, les armes ne lui faisaient pas peur. On eut au fait de faire le tour des locaux, pas de Pellicini. « Où il est, nom de Dieu ?» hurlait Volpi. « Vous le savez, la vieille, ça va aller mal pour vous, » ajouta Pérez. « Et toi, la femme, tu as fermé ton gueule, oui ?» lui répondit la vieille. « Je sais pas de qui vous parlez. Allez, foutez le camp !» L'équipe se livra à une fouille en règle de la ferme. Dans une pièce, on découvrit des vêtements d'homme ainsi qu'une somme de 5 000 euros en liasse neuve de 100 €. « C'est à qui, ça ?» questionna Volpi en montrant les vêtements et les billets. « C'est à vous. Vous êtes riche, hein ?»« Et non, c'est pas à moi, c'est à lui. »« Qui, lui ?» La vieille s'assit, comme brisée sous le feu des questions. Un type qui connaissait mon frère. Il a des choses à faire, ici, à Aix, et il dort chez moi. Je le fais aussi à bouffer. Mais normalement, il va s'en aller bientôt. Bien, écoutez-moi, madame Pétavine. Vous ne voulez pas aller en prison ? Bon. Alors vous allez continuer à faire comme si nous n'étions pas venus, et ne vous occupez pas du reste, ok ? Ah, mamma mia, je me doutais bien que c'était une saloperie, ce type. Mon frère, il n'a jamais fréquenté que des bordis. Volpi releva discrètement les numéros des billets, mais replaça les liasses à leur place. Il restait à espérer que Pellicini ne les avait pas observés de loin, et qu'il reviendrait chercher son fric. Toute l'équipe leva le camp. Rendez-vous la prochaine. En arrivant sur la départementale, Pérez aperçut loin dans son rétroviseur une petite voiture noire. « Regardez, là-bas derrière, qu'est-ce que c'est comme bagnole ? Putain, c'est la panda de la vieille !» Comme s'il avait remarqué le véhicule de police sérigraphié, le conducteur prit un petit chemin de traverse menant vers Puricard. Pérez se démena pour faire un demi-tour sur place. Juste à ce moment, un flot de voitures arriva et retarda la manœuvre. Elle fonça en direction du village. « Continuez tout droit, chef, je connais le coin. On va prendre un raccourci pour arriver directement sur la place du village, » dit Fabregue. Pérez fonça, tout phare allumé, dans la petite rue qui menait au centre du village, au risque d'écraser une vieille ou un gamin. Place classique, l'église, la mairie, l'école, le bar, la fontaine, et des vieux qui attendaient l'heure de jouer l'apéro aux boules. Ça sentait bon la ruralité et la France d'avant. Volpi ne tarda pas à arriver aussi, bousculant le calme de la petite place. Dans un coin, ils remarquèrent tout de suite la panda mal garée. « Merde !» rugit Pérez. « Il ne doit pas être loin. Allez, on se déploie. Bouléguez !» Chacun des membres de l'équipe se mit à cavaler dans une direction différente, dans les 4 rues partant de la place. Rien. On revint alors vers les commerces, le bar, la mairie, en interrogeant les gens. Le signalement était vague et les réponses l'étaient d'autant. Finalement, un petit vieux va à la rencontre de Volpi. « Qui c'est que vous cherchez ?»« Le type qui conduisait la voiture noire qui est là-bas. »« Ah, peu cher, il fallait le dire tout de suite. »« C'est pas la peine de le chercher. »« Vous avez pas de bol ?» Il a sauté dans le minibus qui passait juste à ce moment-là. « Merde !» s'exclama Volpi. « Et où il va, ce putain de bus ?»« T'es à Aix ?» répondit le vieux ironiquement, en haussant les épaules. Volpi rejoignit l'équipe, la mine basse. « On s'est fait baiser comme des bleus, les mecs. Il a pris le minibus. »« Moi, je sais par où il passe, ce bus. Venez, on va le courser. » Ils remontèrent tous dans les voitures, sirènes et gyrophares allumés, et prirent la direction qu'indiquait Fabreg. Et ils finirent par apercevoir un petit car blanc et bleu qu'ils n'eurent pas de mal à stopper. Une vieille et trois lycéens, c'est tout ce que contenait le bus. Interrogés, le conducteur et les passagers signalèrent qu'un homme d'un certain âge, apparemment pressé, était descendu à un arrêt précédent. Petricol resta dans le bus pour obtenir un signalement plus précis de Pellicini pendant le trajet. On le récupérait plus tard, en haut du cours Sextius. Et voilà, encore dans le baba. Le mec est dans la nature. On ne va tout de même pas déployer un détachement de CRS et deux pelotons de gendarmerie pour le retrouver ? Vous avez raison, patron. On passerait pour qui ? Allez, on rentre, fit Volpi d'un ton dégoûté. Même si elle était très occupée, Pérez n'en oubliait pas moins son lieutenant favori. Vers midi, elle passait un coup de fil à Jajiga. « Alors, ma puce, t'as le moral ?»« Ouais, mais dans les talons. »« Ils m'ont fait tout un tas de trucs et... » Jajiga fondit en larmes, ne pouvant retenir de gros sanglots. « Mon Dieu, Michel, ils m'ont rasé la tête, si tu savais ce que c'est. » « Je comprends maintenant pourquoi ils faisaient ça aux femmes collabos pendant la guerre. C'est horrible. »« Ne pleure pas, ma puce. » Après, tu auras les pansements sur la tête et puis les cheveux, ça repousse. J'essaierai de venir t'embrasser en fin d'après-midi. Pour lui changer les idées, Pérez relata les derniers développements de l'affaire. Ça me paraît bizarre, ce que tu me racontes. Je ne le sens pas, tu vois. Et franchement, ce n'est pas parce que je suis dans cet état. Je ne sais pas, c'est trop carré comme situation. Et avec un nez paro, tu vas conclure. Et pourquoi pas? Après tout, je ne vois aucune contre-indication. Si tu savais, il irait dingue de moi. Ça fait un bien fou. Mais c'est dégueulasse de ma part de te parler de ça maintenant. Pardonne-moi. Mais non, ma grande. Éclate-toi. Profite. De retour au central, Pérez demanda un entretien à Volpi. Elle désirait savoir quelles conclusions le patron tirait des derniers événements et la feuille de route qu'il comptait tracer pour l'équipe. Ce type joue au chat et à la souris avec nous depuis le début. Je ne sais pas si nous n'aurions pas intérêt à le serrer dès que possible, en employant la force, évidemment. C'est quand même pas Terminator, ce mec. J'essaie de ménager la vie de mes hommes, patron. Mouais, maugréa-t-il, mais flic, c'est aussi un métier à risque. Il ne faut pas l'oublier. Pérez se retint de lui rétorquer que derrière son bureau, il n'en prenait guère, lui, des risques. Mais reconnut qu'il avait souvent mouillé la chemise et s'était taillé une réputation de cow-boy intrépide. « Vous avez des nouvelles de Moussaoui ? » demanda-t-il. « Il l'opère demain matin, patron. »« Le numéro de sa chambre ? » « 1430. »« Je l'appellerai ce soir, et je passerai demain à l'hosto voir comment ça s'est passé. »« Ah, pensa Pérez, il est fort. »« Ne jamais négliger le relationnel, les convenances. »« Ne rien laisser de côté. »« Faire tout ce qu'il faut comme il faut, au bon moment. »« Je ne sais pas si un jour j'y arriverai, moi. » Canéparo, tout excité à la perspective de sa soirée, oublia un peu sa peur. Il essaya de se concentrer sur les projets en cours et remarqua que Berthier lui tenait tête plus souvent qu'avant et de façon plus affirmée. Il refusa catégoriquement de mettre en route l'étude d'un projet pour un supermarché sur hier. « Il y en a déjà suffisamment comme ça là-bas, » rétorqua-t-il à son patron. « Bof, » pensa Canéparo, « ça lui passera. » Sa bonne femme avait dû le recadrer un peu. Elle avait du fric, certes, mais elle n'était pas toujours facile. Il sortit de l'usine pratiquement le dernier et regagna sa voiture sur le parking. Il avait commandé le repas à un traiteur et n'avait rien à préparer. Ayant horreur d'attendre, il préférait arriver chez lui juste avant la venue de Michel. Il venait juste de fermer la portière de son engin d'apocalypse lorsqu'il remarqua une fumée blanche s'échappant du véhicule garé en face. Il descendit de sa voiture, en laissant tourner le V8 pour voir un peu de quoi il retournait. Juste à ce moment, Momo Ndiaye, le veilleur de nuit, pénétra sur le parking. Canéparo lui signala le véhicule. Vous inquiétez pas, patron, je ziote. Et s'il faut, je donnerai un coup d'estinteur. » Canet Parot mit France Bleu Provence pour écouter la chronique de Thibaut Gaudry sur le foot et rentra d'un cœur plein d'espérance à la maison. Pérez arriva vers 20h30 après avoir averti les gars de l'équipe en planque qui gloussaient ironiquement. Il n'y avait toujours rien à signaler. Prunzati n'avait pas bougé de la journée. Elle avait apporté beaucoup de soin à son maquillage. Habituellement, elle ne mettait qu'un léger trait de crayon. Ce soir, le mascara, un léger fond de teint, le rouge à lèvres, le fard à paupières, les ongles carmin, la transfiguraient complètement. Elle ressemblait à une actrice de cinéma. Canet Parot fut sur le point de défaillir lorsqu'il l'accueillit à sa descente de voiture. « Comme tu es belle !» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce que tu peux faire avec un vieux comme moi ? Ne pose pas de questions, bello, profite !» Après le repas léger, mais fin, arrosé d'un hospice de bonne, on passa au salon. Cigarettes, champagne, comme la veille, en évitant de parler du boulot. Vers 11h, Biagio réitéra sa question de la veille, d'une voix légèrement tremblante. « Alors, tu restes cette nuit ?»« Mais oui, je te l'avais promis. J'ai apporté de quoi me changer pour demain. » Au lit, Michel mit en pratique sa nouvelle devise « Prends ton temps ». Elle se laissa aller dans les bras de cet homme qui la caressa longuement, comme on épouse les formes d'un objet d'art, qui goûta sa peau, son parfum, respira son souffle. Jamais elle ne s'était sentie aussi bien. Il lui fit l'amour longtemps, en douceur, attentif au plaisir de sa partenaire et lui procura plusieurs orgasmes. Pas de sueur, d'essoufflement, de cris, rien que du plaisir. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, ce qu'elle espérait, au fond d'elle-même. Vers 2h du matin, sachant qu'elle ne s'endormirait plus, elle prit un demi-somnifère pour ne pas marcher au radar le lendemain. Bientôt, leurs deux respirations s'unirent, presque synchrones. Soudain, une lumière aveuglante baigna la chambre, réveillant Michel en sursaut. Aussitôt, une formidable détonation ébranla la maison. Michel se leva d'un bond, complètement nu. Prunzati était au seuil de la chambre, un fusil de chasse dans les mains. Une odeur suffocante de poudre envahit la pièce. Prunzati regardait à terre, sans s'occuper de la nudité de la femme. À ses pieds, Michel aperçut un corps qui palpitait doucement avec de petits soubresauts baignant dans une mare de sang. Elle n'arrivait pas à reprendre sa respiration et sentit venir le malaise. Elle se tourna vers le lit. Un choc terrible la suffoqua et un flot de bile lui inonda la bouche. Le haut du corps de Canet Parot n'était qu'une énorme fleur rouge, la tête reposant sur l'oreiller écarlate. Elle se précipita et comprit qu'il avait été égorgé. Elle s'aperçut que son propre corps était souillé de sang. Elle s'effondra à genoux au chevet du lit et poussa enfin le hurlement libérateur. Quelqu'un la couvrit d'une serviette de bain et lui parla doucement, pendant qu'elle essayait vainement de se réveiller. « Quel cauchemar, merde !»« Michel, Michel, vous m'entendez ? Venez, asseyez-vous. Tenez, buvez ça, lui disait-on. » Puis on la conduisit dans la salle de bain et sous l'effet de l'eau tiède, elle reprit enfin ses esprits. Fabreg promenait doucement le jet sur sa peau, comme s'il avait baigné un bébé. « Excusez-moi, capitaine, mais on va laisser la pudeur de côté. » Volpi fit son entrée à ce moment vêtu d'un vieux jean et d'un sweater. L'image qu'il eut devant les yeux le choqua profondément. Devant cette femme, recroquevillée sur sa nudité et sur sa peur, souillée du sang de son amant, tremblante d'effroi, ses cheveux mouillés lui faisant comme un voile de vierge, Volpi éprouva une immense compassion. Il aurait voulu la prendre dans ses bras, la réchauffer de son corps, la rassurer, l'empêcher de souffrir. Mais apparemment, Fabreg faisait cela très bien. Le lieutenant tortilla Pérez dans une sortie de bain et l'aida à repasser dans la chambre pour l'amener ensuite dans le salon. « Redonnez-lui à boire, » demanda-t-il, « du whisky sec, cette fois. » Elle fut prise d'un violent tremblement de tout le corps et se mit à claquer des dents. Fabreg lui massait les tempes et lui parlait comme à une enfant. « Ça y est, ça va mieux, on se calme. Respirez, Michel, profondément. Ça va passer. Buvez encore un peu. » L'alcool irradia son corps et le tremblement cessa. Mais elle avait l'impression d'être passée sous un camion. Tout son corps lui faisait mal, même les mains et les pieds. Peu à peu, elle accepta l'inacceptable. Elle revit l'image sanglante de Biagio, son corps si chaud qu'il lui avait donné tant de plaisir. « Je veux le voir, » murmura-t-elle. « Non, pas encore, » lui répondit Fabreg. « Si, il le faut, je dois. Laissez-la faire, murmura Volpi. Aidée par le lieutenant, elle revint dans la chambre, enjambant l'autre corps auquel elle ne prêta aucune attention. Elle resta au pied du lit et contempla l'horrible spectacle d'un regard fixe, comme pour intérioriser pour toujours cette image. Elle caressa la main de Canepaharu. Son corps était encore tiède. Puis elle revint seule dans le salon et se laissa tomber sur le canapé. Là, les premières larmes jaillirent en silence. Volpi jeta un coup d'œil au cadavre gisant au sol, sur le dos. La décharge l'avait projeté en arrière. Son abdomen n'était plus qu'une bouille informe où quelques organes palpitaient encore. Le corps était celui d'un homme de plus de 60 ans, assez grand, les cheveux longs grisonnants. Volpi reconnut dans le visage intact le vieux qu'ils avaient croisé deux fois en mobilette. Il interrogea discrètement Pronzati à l'écart, puis revint vers les autres. Les protagonistes n'échangeaient aucune parole, suspendus aux réactions du capitaine. Les minutes furent longues et lourdes, puis, finalement, Michel parla. « Et lui, c'est qui ?» dit-elle en montrant le corps à la porte de la chambre. « Lui ? Eh ben, c'est Pedicini, ce fumier, » répondit Volpi en poussant le corps du pied. « Expliquez-moi, Fabreg, donne-moi une clope, s'il te plaît. » Volpi expliqua donc que Pedicini avait été descendu par Pronzati qui veillait dans son pavillon. Il avait perçu un léger bruit et avait chargé son calibre 12. Puis il était sorti sans bruit dans le jardin et s'était aperçu que les portes de la maison et du garage étaient entr'ouvertes. Une fois dans la maison, au seuil du salon, dans la faible clarté de la salle de bain, il avait semblé voir une forme se déplacer vers la chambre. Tant pis pour les occupants. Il décida d'éclairer et tomba nez à nez avec Pedicini qui venait juste d'égorger Canepaharu. Sans réfléchir, il avait tiré dessus, presque à bout portant. Voilà, en tout cas, la version que venait de donner Pronzati. Le cadavre tenait encore un gros cutter sanglant dans la main. « Mais comment il est entré ?» demanda Pérez, reprenant le cours de ses pensées. « Vous avez mal surveillé, merde !»« Non, » intervint Pronzati, « il a dû monter dans la voiture de Canepaharu et se planquer. » Après, il a attendu dans le garage et il est sorti quand il a cru que tout le monde dormait. Mais comment il a pu? C'est Canepaharu qui l'a fait monter dans la voiture alors. Mais non, capitaine. Si c'était Canepaharu lui-même qui l'avait amené, pourquoi ne l'aurait-il pas fait rentrer tout de suite dans la maison? De toute façon, après analyse, on saura bien s'il est monté dans cette bagnole. T'as raison, je suis plus capable de rien. Et elle se remit à pleurer doucement. Volpi lui prit les épaules et la regarda dans les yeux avec le plus de douceur possible. Michel lut dans son regard qu'il était très affecté de la voir dans un état pareil. « Ça va aller, Michel ?»« Oui, patron. » Son regard semblait dire qu'elle était rassurée qu'il soit là. Volpi sentit que le contact venait d'être définitivement établi avec son capitaine. Mais il aurait préféré que cela se passât de façon moins dramatique et moins dégradante pour cette femme. Toute l'équipe sentit profondément que les rapports d'amitié et d'affection les unissaient mutuellement, les aidant à supporter les situations qui laissaient des bleus au cœur. Quelques minutes plus tard, la cavalerie arriva, ambulance, équipe scientifique et tout le toutim. Le cœur de Pedicini s'arrêta de battre dans les mains du légiste et rien ne put le faire repartir. De toute façon, il y aurait eu tellement de morceaux à recoudre que l'issue était fatale. Le médecin donna un tranquillisant à Pérez et lui ordonna de le prendre en sa présence. Elle serait ensuite raccompagnée chez elle et une ADS veillerait sur son sommeil jusqu'à ce qu'elle se réveille. Pour toute l'équipe, l'absence de Jejiga se fit cruellement sentir ce soir-là.